Aurais-tu une interprétation karmique vis-à-vis de ce qui se passe en Mongolie ou avec les Ouïghours? Oui. Ben oui. Et oui, parce qu'à la chute des mines, ce sont les Ming, c'est les Ouïghours en tant que, qui ont créé la langue pour les Mandchous qui ont pris le pouvoir. Et aujourd'hui, ils vont le payer très cher, ça. Puis le pire, c'est que c'est un karma collectif. Mais c'est eux qui ont donné les moyens administratifs à des barbares du Nord pour s'emparer du pouvoir d'un territoire. Puis de faire, de créer une dictature, de mettre à terre une civilisation qui avait atteint un haut niveau de raffinement. Mais les Ouïghours ont participé, il y a longtemps, c'est eux qui ont créé la langue écrite pour les Mandchous. Donc oui, il y a un retour. Puis pour ce qui est les Mongols, eux aussi, ont du karmique par rapport au territoire qui est la Chine. Donc oui, tout se paye. Puis tout ce qui est fait collectivement va se payer collectivement. Puis le pire, c'est que des individualités vont payer dans le col à travers le collectif dont elles font partie. Donc, mais oui, ce sont les Ouïghours qui ont créé la langue écrite mandchoue pour l'administration à la chute des Ming. Ceux qui aiment l'opéra cantonais, là, l'opéra de la Princesse Fleur, qui est mon opéra préféré cantonais, il y a quand la Princesse Fleur, puis le prince se suicide parce que c'est la chute des Ming. Ils savent qu'ils vont aller dans l'astral, ce qu'ils appellent le paradis des Ming et tout. Puis, mais il reste que ce savoir-là qu'ils étaient programmés, puis que ça devait se terminer, puis tout, mais que s'ils étaient enregistrés en tant que mémoire, tout se paye à un moment donné. Donc, oui, le ciel des Ming existe étant donné qu'il y a des régions de l'astral pour chaque mémoire expérimentale qu'il y a eu sur Terre. Donc, ils tiennent bien les comptes. C'est ça qu'ils sont, des usuriers de l'énergie, les forces astrales. Donc, oui, les Ouïghours payent. Ils payent maintenant individuellement pour ce qu'ils ont fait collectivement dans le passé, parce que l'astral fonctionne comme ça. Mais pourquoi accepter de se soumettre à collaborer avec les Mandchous alors que il y avait, vous savez, il y a une ingratitude qu'il y a eu là envers quand un peuple devient trop raffiné, devient trop intellectuel, devient moumoune, ben là, il arrive des barbares, puis ça tombe. Donc, oui, je vois. Oh, oui, oui.